pense à l'amour, je ferai un nouveau monde pour toi, que j'aime toujours au-delà des volcans qui grondent. Toi, en un seul jour, je bâtirai des montagnes pour toi et pour toujours. Je jouerai à perd ou gagne toute ma vie. Tu m'as vraiment aimé, je te dois aujourd'hui cette vie, celle que nous avons partagée et plus belle encore aujourd'hui. Depuis longtemps, ce n'est que complicité. On s'aimera toujours d'un amour fort, inoublié. La vie n'est rien sans toi, seul le destin nous a réunis. Et quand j'y pense, crois-moi, je me dis c'est beau la vie. Toute ma vie, tu m'as vraiment aimé. Je te dois aujourd'hui cette vie, celle que nous avons partagée est plus belle encore aujourd'hui. Toute ma vie, tu m'as vraiment aimé. Je te dois aujourd'hui cette vie, celle qui durera toute l'éternité. Chaque jour je t'aime ma chérie.